Et donc c'est l'heure de la réécoute du son mystère et puis peut-être pour vous d'essayer d'appeler au numéro suivant 078 244 57 54. Moi je le lis à l'endroit et j'ai un petit peu de difficulté. On y va. Le son mystère. Le son mystère. Peut-être le son mystère. Glou, glouf, glou. Le son mystère. Encore une fois, c'est un son proposé par Matteo Lutti, récolté par Sonia Perego. On laisse 30 secondes de délai du streaming en attendant que le téléphone sonne, n'est-ce pas ? On ne doute pas que des gens ont des propositions, mais peut-être qu'autour de la table, on a déjà quelques idées. Moi, j'avais une petite idée, je ne sais pas si je peux, mais je dirais que c'est une sorte de mouche ou quelque chose comme ça, mais qui est enregistrée d'une façon bizarre, particulière, où on n'a que certaines fréquences, ou alors que le son a été transformé peut-être. Mais en tout cas, je me disais que c'était peut-être un être vivant. Ah, bravo, c'est un être vivant. Ah oui. C'est un être vivant, mais et d'ailleurs c'est même effectivement... Mouche ou moustique, je voulais dire. Voilà. Après, donc c'est effectivement une mouche, si j'ai bien écouté l'explication. Par contre, la question, c'est sa situation. C'est ça la chose qui, à mon avis, est le détail qui fait qu'il y a un tout petit mystère. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée sur la situation de la mouche ? Est-ce que vous voulez réécouter le son ? Ah, c'est ça, Marie, peut-être que c'est une mouche qui est prise dans une toile d'araignée. Ah mince. Bravo. C'est une collaboration. Merci. Merci. Vous n'avez pas laissé le temps aux auditeurs de la maison. Mais non, mais de toute façon, il y a du délai, donc ils l'ont pas entendu. S'ils appellent, il y a du délai, donc ils n'ont pas entendu notre réponse. Non, voilà, c'est ça. Les gens peuvent appeler maintenant. Et de toute manière, le son est à l'écoute sur le site depuis ce matin, donc ils avaient tout le temps de nous appeler. Et ils ne nous ont pas appelés. Voilà, de tous les donc, milliers Antoine, d'auditeurs nous avons gagné une place pour Bravo le concert Antoine. De ce soir. Et un repas, il faut se partager ça. C'est ça. Qui prend la place, qui prend le repas. On va quand même écouter l'explication de Matteo. Ok, alors c'est une mouche dans ma chambre qui est en train de se faire attraper par une mini-araignée minuscule. Et tranquillement, elle l'emballe malgré tout. Alors la mouche se débat. C'est terrible, en fait, comme oui. son. C'est assez tragique d'assister. Oui. C'est terrible. C'est ça aussi la bioacoustique. C'est aussi d'accepter d'être témoin. La dark écologie. Et donc, c'est une transition merveilleuse pour se tourner vers Mélia et ses chroniques de terrain. Est-ce qu'il y a des tragédies aujourd'hui dans ta chronique ? Alors, il n'y a pas de tragédie. On est plutôt sur quelque chose d'assez tranquille, même si c'est plein de rebondissements, vous allez voir. Enfin, je ne veux pas trop vous vendre quelque chose qui n'aura pas lieu, mais bon. Et ben c'est parti, on peut lancer le petit jingle.